Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est l'heure de votre consultation disco du samedi. On va débuter cette émission comme toujours par la découverte. Alors aujourd'hui, je vous propose Atlantis avec leur titre Keep on Moving and Grooving. Le titre est sorti en 1982. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur le groupe, mais je peux quand même pas résister à l'envie de vous le faire écouter. C'est parti! Keep it up. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Alors il est temps de passer à notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, Evin Thomas et son tube High Energy. En 1984, Ian Levine, un DJ légendaire et producteur à 16 heures, offre à Evin Thomas une chanson qu'il compose avec l'intention d'en faire l'hymne de tout un courant musical. Tout simplement intitulé High Energy, ce hit est, selon Levine lui-même, fortement inspiré de Relax de Frankie Goes to Hollywood pour la partie clavier et de In the Navy des Village People pour le beat. Alors Evin Thomas est une très bonne chanteuse issue du gospel et de la comédie musicale. Elle va interpréter la chanson avec sincérité et l'émotion suffisante pour en faire un hit. Le pari est réussi et High Energy est numéro 1 dans de nombreux pays et ça devient un incontournable des clubs gays. Alors cela restera la chanson la plus connue d'Evin Thomas. Faites place, faites place! Ah, ça ne vous aura pas échappé, mais c'était la version maxi de High Energy que je vous ai diffusée. Alors on enchaîne sur notre rubrique de la bande originale du film, La fièvre du samedi soir. Aujourd'hui, encore les Bee Gees, vous allez me dire. Bah oui, mais ils ont une énorme place dans le film, que voulez-vous que j'y fasse ? On va redécouvrir How Deep Is Your Love. Vous connaissez tous, bien sûr. Alors je vais vous raconter une anecdote sur ce titre. En 1983, les Bee Gees ont été poursuivis par un auteur-compositeur de Chicago, Ronald Sell, qui a affirmé que les frères Gibbs avaient volé le matériel mélodique de l'une de ses chansons, Let It End. Il l'avait utilisé pour How Deep Is Your Love. Dans un premier temps, les Bee Gees ont perdu le procès. Alors, il y a un jury qui avait déclaré que les Bee Gees avaient été incapables de produire un témoignage d'expert pour en réfuter que c'était pas un plagiat, quoi. Alors, le verdict il a été annulé quelques mois plus tard et la paternité a quand même été laissée aux Bee Gees. Bee Gees, oh là là, j'ai du mal. Allez, je vais me reposer et je vais vous faire écouter How Deep Is Your Love. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Ce morceau est toujours aussi fabuleux, on ne se lasse pas de l'écouter. Et d'ailleurs, j'aurais pu vous le passer la semaine prochaine, car la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un spécial Saint-Valentin, avec pas mal de surprises. Bon, on s'égare, mais on va passer au maxi maintenant, et on va revenir sur le groupe The Time et son titre The Bird. Le titre est paru sur la bande originale du film de Prince, Purple Rain. Le groupe est à cette période au sommet de sa gloire. Maurice Day fait forte impression en tant que chanteur. Et je vais vous laisser tout de suite avec le petit oiseau. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, c'est l'heure de la pépite. Aujourd'hui, direction Marvin Gaye, son titre funk, Got to Give It Up. Single sorti en 1977 et extrait de l'album Live at the All London Palladium. C'est le dernier titre de Marvin Gaye qui lui permet de décrocher un numéro 1 des ventes aux USA. Alors, depuis quelques temps, Marvin Gaye a un air qui trotte dans sa tête et qu'il trouve très dansant. Dans un premier temps, la chanson s'intitule Dancing Lady, parce que c'est influencé par le tube de Johnny Taylor, Disco Lady. Marvin, il voit plus une réponse à la chanson-là. Afin d'obtenir un son plus disco, il fait appel à un producteur et un ingénieur du son de la Motown, Art Stewart, pour superviser la production de la chanson. Alors en 1976, en décembre plus précisément, avec l'aide de plusieurs amis musiciens et membres de sa famille, Marvin Gaye enregistre la chanson, qui est rebaptisée « Got to Give It Up », dans son studio de Los Angeles. Il remet une première version de 11 minutes à Art Stewart et il va lui demander de la retravailler pour en faire un single. Après un mixage et plusieurs mois, la chanson sort en mars 1977. On va écouter le résultat. Ah, toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.